إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé donc au cours numéro 10 aujourd'hui dans l'explication de Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, un résumé de Kitab du Sharh de Kitab al-Tawhid de Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est toujours donc on a commencé hier le cours 9, on a commencé le chapitre 6 et on a lu ensemble le premier verset dans ce chapitre. Maintenant on va lire le deuxième verset dans ce chapitre. Aujourd'hui on va commencer par le verset 26 et 27 dans Sourate Az-Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le Cheikh dit, wa qawlihi ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Donc qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie que lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, parce que c'est lui qui va me guider. Donc, Ibrahim, dans ce verset, il mentionne à son père et à son peuple, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que Ibrahim dit à son père et à son peuple qu'il s'est désavoué complètement de tout ce qui est adoré par son peuple, excepté, bien entendu, celui qui l'a créé, c'est-à-dire excepté d'Allah, se désavoue de tout excepté d'Allah. Parce que, bien entendu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le guide. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce verset. Mais en fait, pour comprendre, en fait, c'est qu'on est dans le chapitre de l'explication du témoignage de la ilaha illallah. Tafsir al-tawhid wa shahadatu an la ilaha illallah. Donc c'est l'explication de du témoignage. Qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah? Et le cheikh dans ce chapitre, il mentionne des versets et des hadiths qui expriment la même signification que le témoignage de la ilaha illallah, mais exprimé en d'autres termes. Comme dans ce verset par exemple, où on a l'affirmation, la négation et l'affirmation. Comme dans le témoignage de la ilaha illallah. On voit que dans le témoignage, la ilaha c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et illallah c'est l'affirmation que seul Allah doit être adoré. Et dans cette parole de Ibrahim dans ce verset, on a la même chose, la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme Ibrahim a dit innani bara'un mimma ta'budun. Donc ça c'est équivalent à la ilah. Puis quand il dit illa alladhi fatarani, Ça équivaut à illallah. Ça veut dire, je n'adore personne, je n'adore rien, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a créé. Donc, ça explique la signification du témoignage de la ilaha illallah. Maintenant, on va lire une parole du Cheikh Al-Fawzan, quand il explique certains termes qui sont mentionnés dans ces versets. Bara'um mimma ta'budun, ay bari'um min jami'i ma'budatikum. Quand il dit innani bara'un mimma ta'budun, ça signifie qu'il dit je me désavoue de tout ce qui est adoré parmi vos idoles et parmi les choses que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله فهو معبودي وحده c'est-à-dire excepté de celui qui m'a créé. Fatarani, c'est une autre façon de dire khalaqa, khalaqani. Donc al-fatir, c'est la même, une signification proche de al-khaliq. Ok, al-khaliq, c'est le créateur, et al-fatir, c'est également le créateur. Et une différence entre khaliq et fatir, les ulama expliquent que fatir, c'est celui qui a créé à partir de rien, à partir du néant. Donc, il est Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-fatir. C'est un de ses noms. Et donc, quand il dit « Illa alladhi fatarani » excepté celui qui m'a créé, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé, donc il n'y a que lui que j'adore. C'est lui seul que j'adore. « Al-ma'na al-ijmali lil-aya annahu yukhbiru subhanahu an abdihi wa rasulihi wa khalilihi annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abu من كل ما يعبد أبوه وقومه ولم يستثني إلا الذي خلقه وهو الله فهو يعبده وحده لا شريك له. Donc le cheikh explique et il dit donc que يعني Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens général de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que son serviteur, son messager et son ami, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, s'est désavoué de tout ce qui est adoré par son père et par son peuple. Et il n'a fait aucune exception à ce qui est adoré par son peuple, excepté celui qui l'a créé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui seul qui l'adore et qui mérite d'être adoré. C'est lui seul qui l'adore et il n'a aucun partenaire. Il n'associe rien avec lui. Et ça nous indique un point aussi qui est important, qui a été expliqué et clarifié par les ulama en même temps. C'est qu'il y a des gens qui s'imaginent que les idolâtres, ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent que les idolâtres n'adorent que les idoles. Et dans ce verset, on voit clairement que c'est pas le cas. On voit clairement que parfois les mushrikines, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils adorent d'autres choses avec Allah subhanahu wa ta'ala en même temps. D'accord? Et donc, Ibrahim est en train de dire, en fait, que son peuple adore des idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent les étoiles, ils adorent des idoles, ils adorent des statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, également, ils adorent Allah aussi. Hein? Et souvent, ils prennent ces idoles comme des intercesseurs et des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Ibrahim, alayhi salam, il dit, « Je me désavoue de tout ce que vous adorez, mais excepté d'Allah. » Parce que ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il disait « Je me désavoue de tout ce que vous adorez, sans dire excepté Allah », donc ça voudrait dire qu'il se désavouerait de tout ce qui est adoré en entier, y compris Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ne pas inclure Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses parmi lesquelles il se désavoue, il dit « Excepté celui qui m'a créé ». Il rajoute « Excepté celui qui m'a créé », c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire comprendre à son peuple que parmi toutes les choses que son peuple adore et toutes les idoles, hein, et toutes les choses que son peuple adore, il n'accepte que celui qui l'a créé, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc ensuite il dit ومناسبة الآية للباب أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني. Donc, le cheikh, il dit ici, l'occasion pour laquelle on a mentionné ce verset dans le chapitre en question qu'on est en train d'expliquer, c'est que ce verset explique la signification du tawhid et la signification du témoignage de la ilaha illallah. Dans le sens que la ilaha illallah, c'est de se désavouer du shirk et d'affirmer que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Donc, lorsqu'on dit « La ilaha illallah », ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est rejeté. Et donc, on voit que « La ilaha illallah », ça comprend ces deux aspects-là. Ça comprend la négation qui est exprimée dans les paroles de Al-Khalil, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il dit « Innani bara », donc quand il dit « Innani bara », ça c'est la négation, je me désavoue complètement. Et il y a l'affirmation qui est exprimée dans les paroles de Ibrahim, mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala, par les termes suivants « Illa allazi fatarani », c'est-à-dire « Accepter celui qui m'a créé ». Hein? Donc « Innani bara'um mimma ta'budun », ça c'est « La ilaha ». Et « Illa allazi fatarani », ça c'est « Illallah ». D'accord ? Ça équivaut à la négation et l'affirmation. Et donc ça résume le témoignage de « La ilaha illallah », on le voit clairement. Ensuite le cheikh il dit « Wa yustafadu, ma yustafadu min al-aya, awwalan, anna ma'na la ilaha illallah » توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. Donc, le cheikh explique que premièrement, parmi les points qu'on peut tirer qui sont bénéfiques dans ce verset, c'est que la signification de la ilaha illallah, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala en faisant preuve de sincérité et de pureté dans notre adoration, c'est-à-dire qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, seulement, c'est-à-dire on n'adore rien d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, et on purifie notre adoration de toute forme d'association ou de shirk ou d'idolâtrie, et al-bara'a, c'est-à-dire de se désavouer de toute adoration qui est faite ou qui est offerte à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'en désavoue complètement. Ça c'est le premier point. Deuxième point qu'on peut tirer de ce verset, izhar al-bara'a, izhar al-bara'ati min din al-mushrikin. C'est-à-dire qu'il faut montrer et exprimer le désaveu qu'on a par rapport à la religion des mouchriquins. C'est-à-dire, il faut se désavouer clairement et ouvertement de la religion des koufars et des mouchriquins, et de tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça fait également partie du tawhid. Ça fait partie de la ilaha illallah. Qu'on se désavoue de tout ce que les koufars adorent en dehors d'Allah et de leur religion également. Hein? Donc il faut bien faire comprendre ça aux kuffars, aux mushrikines. Et il faut faire attention à la parole qu'on entend souvent de la part de certains lorsqu'ils parlent des autres religions. Ils disent « Nous, on respecte toutes les religions et l'islam respecte toutes les religions. » Ça, c'est faux. Hein? Ça, c'est faux de comprendre les choses de cette manière-là. On voit que dans l'islam, il y a au contraire l'appel au désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de toutes les religions autres que l'islam. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera aucune religion autre que l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche une religion autre que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Donc il n'y a pas de respect pour la religion des mouchriquins et des kuffars, qui sont en dehors de l'islam. Ensuite, le cheikh il dit comme point numéro 3, ثالثا مشروعية التبري من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس. C'est-à-dire, et le cheikh il dit comme troisième point, le fait qu'il est légiféré dans la charia de se désavouer des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ce sont les gens les plus proches dans notre famille, les plus proches de nous, dans nos liens de parenté. Et là, on le voit clairement, puisque Ibrahim alayhi salam, dans ce verset, il dit à son peuple qu'il se désavoue d'eux, et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, comme dans ce verset-là, il dit à son père et à son peuple. Donc ça, c'est la preuve que, yani, il faut établir le fait de se désavouer des mouchriquines et de ce qu'ils adorent, même si ce sont les gens les plus proches de nous. On ne va pas dire, ah, mais non, mais c'est mon père, c'est mon peuple, hein, et ainsi de suite. Comme le font certains, parfois, parmi les gens qui n'ont pas compris le tawhid, hein, puis lorsqu'on leur parle, ils disent, ouais, mais mes parents, ils pratiquent des pratiques de shirk et de kufr. Et donc, étant donné que c'est mes parents, je dois respecter ce qu'ils font, je ne dois pas les critiquer, hein, c'est le respect envers les parents. Non, ça, c'est pas le respect envers les parents. Le respect envers les parents dans le bien. Mais quand c'est le temps de parler de religion, il faut suivre la voie, l'exemple d'Abraham. Hein? Et quand il avait affaire à son père, et quand il avait affaire à sa famille, il était clair dans la question, c'est-à-dire qu'on le respecte et on obéit dans le bien, et on agit avec bonté envers nos parents dans la religion, dans le sens que, yani, on va, Allah nous a ordonné d'être bons envers nos parents, ça c'est clair, mais en même temps, quand c'est le temps de clarifier les questions de tawhid, les questions qui ont rapport avec l'adoration et de la vérité et de la religion, là c'est le temps d'expliquer et de clarifier que la religion des mushrikines, c'est une religion qui est fausse, et même si c'est la religion de nos parents, et même si c'est la religion de nos pères, et même, il faut le dire clairement, il faut se désavouer de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si cela yani, leur déplaît, comme on a vu dans le verset dans sourate Al-Mumtahana, lorsque Ibrahim, on voit Allah subhanahu wa ta'ala qui parle d'Ibrahim alayhi salam, il dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Ça c'est le verset dans Sourate Az-Zukhruf que je viens de réciter, mais il y a l'autre verset لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, il y avait un bon exemple pour vous, hein, l'exemple d'Abraham et de ceux qui ont cru avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous, hein, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ensuite il dit nous vous renions, hein, et à jamais, est apparu entre vous et nous de l'animosité et la haine, حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ, jusqu'à ce que vous acceptiez de croire en Allah seul et que vous cessiez de faire du shirk avec lui. Hein? Donc ça c'est le même point que qu'est-ce que le cheikh essaie d'expliquer ici dans ce point numéro 3 des bienfaits qu'on peut tirer de ce verset. Maintenant on va passer au troisième verset qui est mentionné dans ce chapitre. Et c'est un verset très important et très intéressant également, qui contient beaucoup de choses bénéfiques à comprendre également. Le cheikh, il mentionne donc le verset 31 dans Sourate At-Tawbah. Sourate At-Tawbah, le verset c'est « وَقَوْلِهِ تَعَلَىٰ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. C'est-à-dire, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs ou comme des égaux en dehors d'Allah, ainsi que le Messie fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, et qu'il soit exalté et purifié de ce que lui associent les mushrikoun. Donc ça c'est le verset 31 dans Sourate At-Tawbah, et la raison de la révélation de ce verset, comme les ulama l'ont expliqué, il dit faqad fassara hadhihi al-aya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Adi ibn Hatim عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ هذه الآية فقال عدي إنهم لم يعبدوهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم في ذلك فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم أخرجه الترمذي. Donc ça c'est la raison de la révélation de ce verset, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué la signification de ce verset à un des sahaba qui s'appelait Adi ibn Hatim, qui était un chrétien et qui s'était converti à l'islam à l'époque du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est rentré voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait le verset 31 dans surat At-Tawbah. Ils ont pris leur moine et leur rabbin comme des échos, comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que le Messie, fils de Marie. Donc, Adi a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne les adorait pas, c'est-à-dire il n'adorait pas leur moine et leur rabbin, en voulant dire, probablement qu'il voulait dire qu'il ne se prosternait pas devant eux, puis il ne les prenait pas comme des idoles ou comme des objets de prière ou des objets d'adoration. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, n'est-ce pas qu'il rendait haram ce qui est halal, et vous le rendiez halal, et n'est-ce pas qu'il rendait haram, halal ce qui est haram, et vous le rendiez haram, et ainsi de suite. Donc vous les obéissiez dans le fait de rendre haram ce qui est halal, ou dans le fait de rendre halal ce qui est haram, et vous les suiviez là-dedans, et il a dit, voilà de quelle manière vous les adoriez. C'est-à-dire, voilà de quelle manière ils adorent leurs moines et leurs rabbins, en rendant halal ce qui est haram et en les suivant dans ce qu'ils rendent halal et haram, qui est en contradiction avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, ça rentre dans l'adoration. Donc, le sheikh, maintenant, il explique le verset. « Ittakhadhu ay ja'ala al-yahud wal-nasara ahbarahum ay ulama'ahum wa ruhbanahum ay ubbadahum » أربابا أي مشرعين لهم يحللون ويحرمون لأن التشريع من خصائص الرب فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا والمسيح ابن مريم أي واتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له. Donc le cheikh explique qu'ils ont pris, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ils ont pris leurs ulama, c'est-à-dire leurs ahbar, c'est les rabbins, hein? Ahbar, c'est les rabbins, les savants parmi les juifs. Wa ruhbanahum, c'est-à-dire leurs adorateurs, leurs moines, hein, ceux qui restent dans les monastères pour adorer. Ils les ont pris comme des échos, comme des seigneurs, hein, comme des législateurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rendent halal et qui rendent haram les choses qu'ils décident eux-mêmes. Parce que le fait de rendre halal et haram, ça fait partie des particularités d'Allah, des particularités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque obéit une créature dans le fait de rendre quelque chose halal ou haram, alors dans ce cas-là, il l'a pris comme un seigneur. Donc le cheikh explique ensuite, il dit que ils ont pris donc leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, dans le fait de les obéir dans ce qu'ils décident comme étant halal ou haram, et qui est en contradiction bien sûr avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et également ils ont pris Al-Masih ibn Maryam, c'est-à-dire ils ont pris Jésus, le fils de Marie, le Messie, comme Seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala également, en lui offrant des actes d'adoration. Et alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer une divinité unique, c'est-à-dire d'adorer Allah seul, et rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Ensuite, le cheikh il explique l'autre partie, subhanahu amma yushrikun, ay tanazzaha Allah ta'ala wa taqaddasa an ash-shuraka'i wan-nuzara, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié et soit sanctifié de tout ce que les gens lui associent comme partenaire et comme égaux et comme semblable. Donc ça c'est la signification de certains termes dans ce verset, et la signification générale du verset, c'est le suivant. Cheikh il dit المعنى الإجمالي للآية يخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم كما عبد النصارى عيسى وزعموا أنه ابن الله فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده وعبادته وحده وهو إخبار منه سبحانه يتضمن إنكار ما فعلوه ولذلك نزه نفسه عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك به. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au sujet des juifs et des chrétiens qu'ils ont demandé à leurs hommes pieux, à leurs rabbins, à leurs savants, à leurs adorateurs, comme les moines, ils leur ont posé des questions dans la religion d'Allah et ils les ont obéi dans le fait de rendre halal ce qui est haram et dans le fait de rendre haram ce qui est halal. Et donc, en faisant cela, ils les ont placés à un niveau de divinité. Ils ont fait de leurs moines et de leurs rabbins des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et des dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison de ça, c'est quoi? C'est que le fait de rendre quelque chose halal ou de rendre quelque chose haram, ça fait partie des particularités d'Allah subhanahu wa ta'ala, des caractéristiques particulières et exclusives d'Allah subhanahu wa ta'ala, que personne ne peut partager. Donc le fait de rendre halal ou de rendre haram quelque chose, ça c'est du kufr et du shirk. Et donc c'est pour ça que ça rentre dans le fait de les adorer. C'est comme s'il leur offrait un acte d'adoration. Et on peut également rentrer là-dedans les gens, par exemple, qui se permettent, parmi les laïcs, par exemple, qui se permettent de faire des lois et de rendre licite ou illicite ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. C'est-à-dire, ils rendent halal ce que Allah a interdit. Et ils rendent haram ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou permis. Donc, ça c'est si quelqu'un les croit dans ça et les obéit de façon, c'est-à-dire les obéit tout en croyant que qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, c'est vrai. C'est-à-dire si les kuffars ou les mushrikines ou n'importe quel être humain déclare halal ce qui est haram et que toi tu crois en ce qu'il dit et que tu l'acceptes, alors dans ce cas-là, si tu l'obéis en croyant en ce qu'il dit et en le rendant halal, dans ce cas-là, tu deviens kafir, comme eux. Et si tu leur obéis dans ce qu'ils ont rendu halal, sans croire en le fait que c'est halal, c'est-à-dire tu les obéis, pas parce que tu crois que c'est halal vraiment, mais tu leur obéis parce que tu as peur ou bien tu suis ta passion. Dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui est kufr, comme on l'explique dans les cours quand on explique les cours qui ont rapport avec justement le fait de légiférer des lois ou des choses comme ça en dehors d'Allah. On explique qu'il y a une catégorie qui est kufr Akbar et une catégorie qui est kufr asghar, kufrun qui fait sortir de l'islam, et kufrun duna kufr, un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam. Et donc si quelqu'un par exemple si quelqu'un par exemple il est quelque part et il fait face à un individu, soit un gouvernement ou soit un individu qui lui dit telle chose que Allah a rendu halal, il la rend haram, ou quelque chose que Allah a rendu haram, hein, on le rend halal. Hein, dans ce cas-là, il ne doit pas croire en cette loi que ces gens-là ont écrite. Et il ne doit pas accepter cette loi que ces gens-là ont écrite. Il ne doit pas leur obéir non plus dans ces lois. Hein? S'ils inventent une loi qui contredit la religion d'Allah, il ne doit pas les obéir dans ces lois-là. Il ne doit pas croire non plus en cette loi. Il doit croire uniquement en la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est forcé à désobéir à Allah par la contrainte, alors que dans son cœur il croit, alors dans ce cas-là, il n'a pas commis de péché, puisque sous la contrainte, il n'y a pas de péché. Hein. De toute façon, ça c'est plus tard, dans d'autres cours, plus tard on va en parler de ça. Le Cheikh il dit, « Kama abada al-Nasara Isa, wa za'amu annahu ibnullah » Comme les chrétiens également ont adoré Isa, hein, Jésus, ils l'ont adoré en dehors d'Allah, ils l'ont pris comme une divinité. Ils prétendent même que c'est le Fils de Dieu, hein, et ils l'adorent comme étant Dieu incarné des fois également. Et ils disent qu'il y a trois dieux en un. Ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils disent ces trois-là forment un seul. Hein. Donc ça, c'est des exemples de shirk qui sont pratiqués par les chrétiens. Donc ils ont rejeté le livre d'Allah derrière leur dos. Et hein, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ordonné de l'obéir à lui seul et de l'adorer lui seul. Hein, donc ça c'est une information qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce verset qui implique que il condamne ce qu'ils font et il se désavoue de ce qu'ils font et il rejette ce qu'ils font, hein, comme shirk et comme yani égarement. Et c'est pour cette raison-là que par la suite, il se purifie lui-même de ce qu'impliquent leurs actions. Hein? Il se purifie lui-même de ce qu'impliquent leurs actions et leurs agissements comme shirk avec lui. Le Cheikh dit ensuite, au munasabatul aya l'ilbab, annaha dallat ala anna min ma'na tawhid wa shahadati an la ilaha illallah ifrad Allah bit ta'ah. في تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك. Donc le Cheikh, il dit dans cette partie, il dit la raison pour laquelle on a mentionné ce verset dans ce chapitre, c'est parce que c'est une preuve et ça indique la signification du tawhid et du témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire de la ilaha illallah, que ça implique le fait de rendre l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens que on n'obéit que lui dans le fait de rendre quelque chose halal. On rend ce que Allah a rendu halal, on le déclare halal, et ce qu'il a déclaré haram, on le déclare haram et on croit que c'est haram. Hein, et on se réfère uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là. Et on n'obéit pas à un individu parmi les créatures, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, dans le fait de rendre halal quelque chose, ou dans le fait de rendre haram quelque chose. Donc si quelqu'un, hein, un individu, un être humain, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, si un individu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, rend quelque chose halal et nous on croit que c'est halal, ou bien il le rend haram et nous on croit que c'est haram, alors dans ce cas-là on devient mushrik, on devient un mushrik. La personne qui agit comme ça, elle devient un mushrik. Hein? Donc si par exemple quelqu'un il croit en la démocratie, hein, il croit que par exemple les parlements, c'est eux qui votent les lois et qui peuvent avec les ministres et les députés, les ministres et tout, dans la chambre des députés, ils peuvent décider de ce qui est halal et de ce qui est haram, et qu'ils peuvent voter par exemple que l'homosexualité c'est halal, ou bien de voter que l'alcool c'est halal, ou de voter que la marijuana c'est halal, ou de voter que le zina c'est halal, et que toi tu te réfères à eux et tu dis bon, s'ils l'ont voté et qu'ils ont fait une loi, alors ça veut dire que c'est halal. ou s'ils font une loi pour interdire le niqab, par exemple, et toi tu dis, bon, s'ils l'ont interdit, dans ce cas-là c'est haram, hein, et tu crois que c'est interdit, alors dans ce cas-là tu les as pris comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu crois en ça, hein. Mais si quelqu'un tombe dans le péché sans croire que c'est halal, dans ce cas-là il n'est pas kafir, il n'a pas tombé dans le shirk. Il faut faire la distinction entre ces deux choses-là, hein, pour pas tomber dans le takfir avec ignorance, yani. Comme les takfiriens qui ne font pas les distinctions correctes entre les choses. Ensuite, le cheikh il explique, il dit: وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique à comprendre dans ce verset? Le cheikh il dit, أي نعم. الشيخ الذي أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله في التحليل والتحريم. Donc le premier point qu'on peut tirer par rapport à ce verset, c'est يعني la signification du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah. Ça implique et ça signifie d'obéir Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de rendre quelque chose halal ou haram. De croire que c'est seulement Allah qui a le droit de rendre quelque chose halal ou haram et de l'obéir là-dedans. Hein? Ensuite, il dit comme point numéro 2, ثانياً أن من أطاع مخلوقاً في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكاً لله. Donc, deuxième point, que celui qui obéit à une créature dans le fait de rendre haram ce qui est halal ou dans le fait de rendre halal ce qui est haram, Alors, il l'a pris comme un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a pris comme un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. Et ça, c'est une forme de shirk majeur. Hein? C'est-à-dire quand on dit qu'il l'obéit, c'est dans le sens que il l'obéit avec la foi en même temps. C'est-à-dire il croit en ce qu'il a fait. Et non pas seulement le fait de faire la chose seulement, hein, puis il ne croit pas. C'est comme par exemple en France par exemple ou au Canada par exemple, l'alcool elle est halal. Pour eux les koufars ils croient que c'est halal, alors que Allah il l'a déclaré haram. Si quelqu'un boit de l'alcool parmi les musulmans, est-ce qu'il va être kafir? Non, il ne va pas être kafir puisque c'est un péché. Et tant qu'il ne le déclare pas halal, il reste toujours un croyant, un musulman. Sauf qu'on va dire qu'il est un croyant avec une foi faible, qu'il est sous la menace du châtiment d'Allah. Hein? Mais si il prend l'alcool et il le boit et il dit je suis en France et la loi en France c'est que ça le rend licite et donc moi je crois à la loi française et je la mets au-dessus de la loi d'Allah, ça dans ce cas-là il devient kafir, il devient mushrik, même s'il ne boit pas l'alcool, même s'il ne le boit pas, il devient kafir mushrik, hein? Puisqu'il a obéi ces gens-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu halal ce qui est haram, dans ce cas-là, il devient kafir, mushrik. Hein? Ensuite, le cheikh dit comme point numéro 3, الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح عليه السلام وبيان أنه عبد الله. Donc, le point numéro 3, c'est la réfutation des chrétiens dans leur croyance que le Messie, عليه السلام, يعني il est fils de Dieu ou des choses de ce genre, comme ils l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la réfutation de leur fausse croyance au sujet de Jésus, fils de Marie, qu'on appelle aussi Al-Masih, c'est-à-dire le Messie. Et également c'est l'explication que c'est uniquement un serviteur d'Allah, un prophète, et que ce n'est pas un Dieu ou un fils de Dieu ou Dieu incarné ou des choses de ce genre. Hein? Et comme point numéro 4, qu'est-ce qu'on peut exprimer comme, qu'est-ce qu'on peut trouver comme bienfait aussi dans ce verset, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié du shirk. Tanzihu Allahu anil shirk. Hein, de sanctifier Allah et de le purifier de toute forme de shirk. Donc, on a expliqué maintenant ce verset-là. Maintenant, on arrive au quatrième verset qui est expliqué ou qui est mentionné dans ce chapitre par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et bien entendu, donc c'est le dernier verset qui est mentionné dans ce chapitre. Et c'est le verset suivant, le verset 165 dans Surat Al-Baqarah. Le cheikh il dit: وفي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. C'est-à-dire, ensuite il dit, ah oui, il dit la fin du verset aussi, ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Donc ici le cheikh il mentionne ce verset, le verset 165 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi les hommes il y en a qui prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, hein, des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui les aiment comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que les croyants sont plus ardents et aiment Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour plus fort, hein. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment. Et que Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment. Donc le cheikh explique le verset en mentionnant donc les parties du verset pour les faire pour les rendre plus clairs et plus faciles à comprendre. Wa min an-nas, c'est-à-dire parmi les hommes. Parce que min, ça veut dire parmi ou de, hein, parmi ou de. Donc c'est pour expliquer que parmi les hommes, yani un groupe parmi les hommes, c'est-à-dire fariqun min an-nas. Min yattakhidhu min an-nas man yattakhidhu min dunillahi andadan. Parmi les hommes, il y en a qui prennent des égaux, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de lui. C'est-à-dire min dunillah, ça veut dire ay ghayr Allah. C'est-à-dire, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Andadan, ay amthalan wa nuzara. Donc, andad, c'est le pluriel du mot nid, qui signifie des semblables ou des échos. Yuhibbunahum. Yuhibbunahum al-mahabba. Irada, iradatu ma tarah. Ou tazunnahu. Khayran wa rahbatu fihi. Donc ils les aiment. Ils aiment ces égaux qu'ils ont associés à Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'ils ont établi avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, et le cheikh explique que l'amour c'est de vouloir ce que tu vois ou bien ce que tu penses être bon. De vouloir ce que tu vois ou ce que tu penses être bon. Et de désirer cette chose, de le vouloir. Donc ils les aiment comme on aime Allah. Et yusawwunahum fil mahabba al muqtadiyatu lidhulli lil mahbubi wal khudu'i lahu. Donc ils les aiment comme on doit aimer Allah, c'est-à-dire ils les mettent à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour. Ils mettent ces égaux qu'ils ont associés à Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'ils ont établis avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils les mettent à égalité avec Allah dans l'amour qu'ils ont pour ces divinités qu'ils ont établies en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils les mettent égaux dans l'amour, et c'est l'amour qui implique bien entendu l'humilité pour la chose aimée et la soumission également envers elle. Donc ils aiment ces égaux qu'ils ont établis avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils les mettent à égalité dans l'amour avec Allah subhanahu wa ta'ala de façon à s'humilier devant cette chose qu'ils ont mis à égalité avec Allah et à se soumettre à lui comme ils devraient uniquement le faire pour Allah seul, hein? Parce que ce genre d'amour là, c'est un amour qui est exclusif à Allah. Un amour qui est accompagné d'humilité et de soumission et de crainte, cet amour doit être uniquement pour Allah seul et non pas pour les créatures. Et eux, ils ont pris des créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils les aiment en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils les aiment de cet amour-là, donc ça c'est bien entendu, c'est du shirk. Le cheikh dit ensuite, wa law ya'lam. C'est-à-dire, et s'ils savaient, lorsqu'ils verront le châtiment, hein, le cheikh dit إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ, le verset dit donc إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ وَقْتَمَا يُعَيِّنُونَهُ وَقْتَمَا يُعَيِّنُونَهُ أَنَّ الْقُوَّةَ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ وَالْغَلَبَةَ لَهُ وَحْدَهُ. Donc lorsqu'ils vont voir, c'est-à-dire qu'ils vont savoir, hein, qu'ils vont connaître le châtiment, ils vont voir que, à ce moment-là, lorsqu'ils vont être témoins, ils vont le voir avec leurs deux yeux, ils vont savoir que la puissance tout entière appartient à Allah seul, hein, parce qu'ils vont voir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la puissance ce jour-là et qui a le dessus sur tout, et que c'est lui seul qui a le pouvoir. Et que Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment. La signification générale de ce verset, le cheikh explique, il dit المعنى الإجمالي للآية ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء سووهم به ساووهم به المحبة ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله حبا يفوق حب أصحاب الأنداد يفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم أو يفوق حب أصحاب الأنداد لله لأن حب المؤمنين لله خالص وحب أصحاب الأنداد مشترك ثم توعد هؤلاء المشركين به بأنهم لو علموا ما يعاينونه أو ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله سبحانه وتعالى بالقدرة والغلبة دون أندادهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال ولكنهم لم يتصوروا ذلك ويؤمنوا به. Donc le cheikh explique le sens général de ce verset. Il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la situation des mushrikines, hein, des mushrikines, de ceux qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya, et il a mentionné également leur conclusion ou leur destination et quelle conclusion ils vont avoir dans l'au-delà. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il mentionne que ces mushrikines, les gens qui ont fait le shirk avec Allah, ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux. Ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux et des semblables. Et ils les ont mis à égalité avec lui dans l'amour qu'ils ont pour elle, pour ses égaux. Hein, et pour ses semblables. Donc, le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'état des croyants qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont sur le tawhid. Et il dit à leur sujet que l'amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala dépasse l'amour des gens qui ont fait le shirk. Hein? C'est-à-dire que l'amour des croyants pour Allah, il est au-dessus de l'amour des gens qui ont pris des égaux pour les égaux qu'ils ont associés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en d'autres mots, si on voulait faire comprendre ça plus simplement, plus clairement, on pourrait dire que l'amour des croyants pour Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui sont sur le tawhid, l'amour qu'ils ont pour Allah, il est au-dessus de l'amour des mushrikines pour leurs idoles. C'est-à-dire, il est au-dessus de l'amour que les mushrikines ont pour leurs idoles. Ça, c'est une explication. C'est-à-dire, il y a des ulama qui ont expliqué ce verset-là de cette façon-là. C'est-à-dire que l'amour des croyants est au-dessus de l'amour que les mushrikines ont pour leurs idoles. Et une autre explication qu'ils ont mentionnée, c'est que l'amour des croyants qui sont sur le tawhid pour Allah est au-dessus de l'amour des mushrikines qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala des égaux. Parce que parmi les mushrikines, il y en a qui, comme on a expliqué, c'est pas que nécessairement qu'ils adorent que les idoles, il y en a qui adorent les idoles et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala également. Donc ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux en même temps, qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps qu'ils adorent Allah, ils adorent d'autres avec Allah, Donc ceux-là, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne l'aiment pas comme les mu'minines aiment Allah. Leur amour pour Allah est en dessous de l'amour des croyants qui sont sur le tawhid pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque l'amour des croyants, il est pour Allah, il est pur. L'amour des croyants qui sont sur le tawhid, pour Allah, c'est un amour qui est pur. Il n'est pas partagé. Tandis que l'amour des gens qui associent avec Allah des égaux, leur amour pour Allah, il est partagé avec d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que leur amour, il est plus faible que l'amour des mu'minines pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ensuite, il dit que ceux-là, donc, sont menacés par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il menace les mouchriquins en mentionnant le fait que s'ils savaient ce qu'ils vont voir au jour de la résurrection, et s'ils savaient ce qu'ils vont avoir comme situation difficile au jour de la résurrection et comme dur châtiment à cause du shirk qu'ils ont commis, hein, ils auraient unifié Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ce jour-là, au jour de la résurrection, hein, ils vont voir que c'est Allah seul qui a le pouvoir et qui a le dessus, et non pas leurs idoles et non pas leurs égaux qu'ils ont associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'ils savaient qu'est-ce qu'il va y avoir ce jour-là, au jour de la résurrection, comme dur châtiment pour eux, et les choses qu'ils vont voir ce jour-là comme châtiment à cause du shirk qu'ils ont commis, s'ils savaient tout ça, ils auraient cessé de faire ce qu'ils font comme égarement. Mais étant donné qu'ils n'ont pas compris, et qu'ils n'ont pas cru, et qu'ils n'ont pas réalisé, ils continuent et ils persistent dans leur shirk et dans leurs égarements. Et ensuite, le cheikh il dit, مناسبة الآية للباب أنها من النصوص المبنية المبينة فضل. أنها من النصوص المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده والذل والخضوع له وحده. Donc la raison pour laquelle on a mentionné ce verset dans ce chapitre, c'est que ça fait partie des textes de la révélation qui sont clairs et explicites et qui expliquent le tawhid et le témoignage de la ilaha illallah, du fait qu'il explique et il montre que celui qui a pris un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il l'aime comme on doit aimer Allah seul, alors il a commis du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on connaît donc la signification du tawhid par ce verset, qui est de rendre notre adoration et notre amour que pour Allah seul, hein, et de ne rien partager de notre amour, hein, avec autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça implique de purifier notre adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, que notre humilité, le fait de s'humilier, de se rabaisser, de se soumettre et de craindre, ça doit être pour Allah seul, hein, et qu'on ne peut aimer une créature de cette manière, hein, on doit uniquement aimer, le seul qu'on peut aimer de cette manière, c'est Allah seul. Ensuite, le cheikh il dit, « وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ أَوَّلًا أَنَّ مِنْ مَعْنَى التَّوْحِيدِ وَشَهَدَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَحَبَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلذُّلِّ وَالْخُضُوعِ. » Donc, le cheikh explique, hein, il dit que parmi les significations du tawhid, ça c'est le point numéro 1 dans ce qu'on peut tirer comme bienfait dans ce verset, c'est que yani, parmi les significations du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ça signifie qu'on doit unifier Allah dans notre amour qui implique l'humilité et la soumission. Le deuxième point, hein, الثاني, ou ثانيا, أن المشركين يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم أشركوا معه غيره فيها. Donc le cheikh explique, il dit que les mushrikin, c'est-à-dire les gens qui ont les gens qui ont commis le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils aiment Allah d'un amour énorme, mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam parce qu'ils ont associé dans cet amour d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas suffisant de dire qu'on aime Allah. Ça fait pas rentrer quelqu'un en islam de dire qu'il aime Allah tant qu'il ne s'est pas désavoué de ce qui est aimé de cette manière-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou de ce qu'on aime avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de cette façon. Troisième point, an-shirka dhulm. Troisième point, c'est que le shirk, ça fait partie, hein, de l'injustice. Ça fait partie du dhulm. Hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés les injustes, ceux qui mettent des égaux avec Allah. Puisqu'il dit, voilà où yara alladhina zalamu. Et si les gens qui ont fait l'injustice, les injustes, lorsqu'ils vont voir, c'est-à-dire lorsqu'ils vont connaître leur châtiment au jour de la résurrection et la force suprême qui appartient uniquement à Allah, lorsqu'ils vont voir ça, que c'est lui seul qui a le pouvoir ce jour-là, ils vont, hein, avoir le regret et le remords, hein, de ne pas avoir abandonné le shirk. Et donc il y a ici en même temps donc le point numéro 4, al-wa'id lil mushrikin yawm al-qiyamah, la menace des mushrikin, la menace contre les mushrikin par rapport à qu'est-ce qu'ils vont avoir à subir au jour de la résurrection pour le shirk qu'ils ont commis. Donc on a fini ce verset, l'explication de ce verset. Maintenant inchallah on va lire le dernier hadith dans ce chapitre. Puis on va terminer avec ça, inshallah. On va terminer le chapitre avec ça. Le Cheikh dit: "Wa fi as-sahih 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala: Man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Wa sharh hadhihi at-tarjuma wa ma ba'daha min al-abwab. Hayna. Donc le Cheikh explique. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih rapporté par al-Bukhari, rapporté par l'imam Muslim, rapporté par l'imam Muslim et également par l'imam Ahmad dans la Musnad, donc c'est un hadith sahih. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire qui dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qui a rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala, donc à partir de ce moment-là, son sang et ses biens, donc ses biens et son sang sont rendus sacrés et illicites pour les croyants, et son jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Son jugement sera à Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc celui qui a dit la ilaha illallah, hein, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qui a rejeté ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors son sang et ses biens et son sang deviennent haram, deviennent sacrés, hein, et illicites. Et son jugement appartient à Allah. Où son jugement incombe à Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite l'explication de cela, de ce titre de ce chapitre et des chapitres qui suivent. Donc le cheikh il explique premièrement as-sahih ay fi as-sahih muslim. Donc quand il dit dans sahih, c'est-à-dire dans sahih muslim, il dit haruma maluhu wa damuhu ay منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه. Donc ça veut dire son sang et ses biens deviennent sacrés. Son sang et ses biens deviennent sacrés. Et souvent quand on mentionne ça dans un hadith, il y a des gens qui comprennent pas la signification de ça. C'est-à-dire si la personne dit la ilaha illallah, son sang et ses biens deviennent licites. Est-ce que ça veut dire que si la personne ne dit pas la ilaha illallah, son sang et ses biens sont... Pardon. Il y en a qui... Si on dit que si la personne dit la ilaha illallah et rejette ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens deviennent illicites, deviennent sacrés. Il n'a plus le droit de les prendre. Est-ce que ça signifie le contraire? Est-ce que ça implique l'opposé de ça? Dans le sens que si la personne ne dit pas la ilaha illallah, hein, Muhammad Rasulullah, et ne rejette pas ce qui est adoré en dehors d'Allah, est-ce que ça signifie que son sang et ses biens sont licites pour nous et que on a le droit de les prendre, on a le droit de prendre sa vie et on a le droit de prendre ses biens? Est-ce que c'est ça que ça signifie? Parce que des fois il y a des koufars qui mentionnent ça par exemple comme des shubuhat pour dire, hein, pour essayer de faire croire aux gens que les musulmans appellent au meurtre des non-musulmans et appellent à les exterminer. Et c'est ça qu'ils mentionnent comme hadith par exemple. Ils vont dire, ah mais regardez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui dit la ilaha illallah, son sang et ses biens sont sacrés. Ça veut dire que celui qui dit pas la ilaha illallah, son sang et ses biens ne sont pas sacrés, ne sont pas licites, illicites. Et l'explication de ça en fait c'est que ça c'est par rapport à qu'est-ce qu'il y a dans ça c'est par rapport hein, au djihad, yani. Ça c'est par rapport au djihad, dans le sens que les koufars et les mouchriquins, ils sont invités à accepter l'islam et à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les musulmans ont la capacité et la force de les combattre, ils vont aller avec l'armée pour les appeler à l'islam. S'ils acceptent l'islam, alors ils ne seront pas combattus, puisque ils ont accepté l'islam et c'est ça l'objectif. Et si par contre ils refusent l'islam, si ce sont des juifs ou des chrétiens, des majus, ou certains ulama disent même si ce sont des koufars et des mouchriquins en général, on acceptera d'eux. S'ils acceptent la jizya, alors on va accepter ça d'eux et on ne va pas les combattre. Donc en échange de pouvoir rester sur leur fausse religion, ils vont payer une somme d'argent aux musulmans. Puis par la suite, s'ils refusent de payer la jizya, bien entendu, ils seront combattus. Donc ça, c'est la signification de ça par rapport à lorsqu'on dit que son sang et ses biens deviennent illicites. Et si la personne est un kafir ou un mushrik et qu'il fait partie des koufars et que entre son pays et notre pays, il y a des ententes de paix, il fait partie des mu'ahadin, alors dans ce cas-là, même s'il n'a pas dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il est sous la protection de cette entente de paix. Et il n'est pas permis, bien entendu, dans ce cas-là, aux musulmans de prendre son bien ou de prendre sa vie, puisqu'il est protégé par l'entente de paix qu'on a avec eux. Donc celui dans le cas où on a l'entente de paix, comme c'est le cas actuellement dans les pays, entre les pays musulmans et les pays non musulmans, hein, qu'il y a ces ententes internationales de paix entre eux et nous, si un musulman trahit cette entente de paix et qu'il prend les biens ou la injustement du kafir ou qu'il prend la vie d'un kafir injustement, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ça que celui parmi les musulmans qui tue un kafir, qui tue un mécréant avec lequel il y a une entente de paix entre lui et nous, alors il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc ça c'est la menace pour celui qui trahit l'entente des musulmans. C'est la menace pour celui qui trahit l'entente avec les musulmans, entre les musulmans et les koufars, hein, en faisant ça. Donc ça c'est important de bien le comprendre comme il faut. Que lorsqu'il y a une entente de paix entre les koufars et les musulmans, celui qui trahit cette entente-là, il est sous la menace d'Allah. Et du moment qu'il y a cette entente entre nous et eux, eh bien, le kafir, il est protégé dans ses biens et dans sa vie également. Donc ça, c'est bien important de le comprendre aussi, pour pas que les gens jouent avec nous, avec ces hadiths, pour essayer de nous faire comprendre les choses à tort et à travers. Voilà ce que ça signifie et voilà ce que ça implique. Donc, le cheikh, il dit ensuite, donc, حُرِمَ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ أي منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه. Donc à partir du moment que le kafir devient musulman, hein, donc si par exemple il fait partie des gens qui sont en guerre, c'est-à-dire que entre lui, entre son pays et notre pays, il y a une guerre officielle, il y a une guerre qui a été officiellement déclarée, donc c'est un kafir qui fait partie des harbiyoun, hein, et qu'il fait partie des combattants, et qu'il a dit la ilaha illallah, à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit contre lui. Son bien et son sang devient sacré. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, on n'a plus le droit de prendre ses biens ou son sang en se basant sur ce qui est apparent de lui. Wa hisabuhu ala Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisaba man talaffaza bihadhihi al-kalima fayujazihi ala hasabi niyyatihi wa i'tiqadihi. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va le juger, c'est lui qui va le juger. Ça veut dire la personne qui a prononcé cette parole, la ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est Allah seul qui va le juger. Et il va juger selon son intention et selon sa croyance. C'est-à-dire que nous, on juge selon qu'est-ce qui est apparent. On ne sait pas qu'est-ce qui est dans le cœur des gens. Donc, du moment que cet individu-là a dit la ilaha illallah, alors on ne peut plus rien faire contre lui. Et s'il est sincère, c'est tant mieux pour lui parce qu'il va aller au paradis. Mais s'il dit ça de façon hypocrite, uniquement pour se protéger, alors dans ce cas-là, il sera en enfer. Et Allah va le juger. Mais nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. On ne juge que ce qui est en apparence. Allah ne nous permet pas d'essayer de juger quelqu'un par autre chose que par ses paroles et ses actions. Le cœur et l'intention, ça c'est Allah seul qui va le juger. Ensuite, le cheikh il dit « At-tarjama, yani tarjamatul kitab wal-bab, fatihatuhu ». والمراد بها هنا قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أي نعم. والمراد donc كان يزي وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. Donc ça c'est ce hadith, il explique les versets qu'on a mentionnés, ils expliquent la signification de ce chapitre, du titre de ce chapitre. Et de ce qui vient par la suite, de ce qui vient par la suite comme chapitre après. Donc ça c'est-à-dire que les chapitres qu'on a expliqués jusqu'à maintenant, de 1 à 6, ce sont les chapitres de Kitab al-Tawhid qui expliquent les choses de base, les grandes lignes par rapport au Tawhid. C'est comme les chapitres d'introduction, hein, de 1 à 6, ce sont les chapitres d'introduction. Ensuite, ce sont des cas plus spécifiques et des exemples plus spécifiques, et on peut retrouver dedans différents degrés de shirk, hein, différents degrés de shirk et l'explication de tawhid, du tawhid au sujet de différents aspects de la religion. Donc la signification générale du hadith qu'on vient de lire, al-ma'na al-ijmali lil-hadith yubayyinu sallallahu alayhi wa sallam في هذا الحديث أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين. الأول قول لا إله إلا الله، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله. فإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم أما في الدنيا فالحكم على الظاهر. Donc le cheikh explique, il dit la signification de ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique dans ce hadith qu'il n'est pas permis de tuer un homme et de prendre ses biens, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique dans ce hadith qu'il n'est pas permis, explique qu'il n'est pas interdit de tuer un homme ou de prendre ses biens, excepté s'il a réuni les deux choses suivantes. Premièrement, qu'il a dit la ilaha illallah. Et deuxièmement, qu'il a rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc si on trouve ces deux choses-là, il est obligatoire pour nous de s'abstenir de prendre ses biens ou de le tuer. Et on se base sur ce qui est apparent. Et qu'est-ce qui est intérieur à lui-même, on le laisse entre lui et Allah. Et bien entendu, ces deux points-là, c'est toujours à comprendre dans le contexte de ce que j'ai expliqué juste auparavant. C'est-à-dire par rapport au fait que s'il y a une entente de paix entre les musulmans et les koufars, alors dans ce cas-là, il est également obligatoire de s'abstenir, de prendre ses biens et de prendre sa vie. D'accord? Il faut comprendre ça aussi, parce que même si ça n'a pas été expliqué dans cette explication-là du cheikh ici, il l'a expliqué dans d'autres contextes et dans d'autres points. D'accord? Donc, ensuite, le cheikh, donc, il dit, du moment que ces deux choses-là sont réunies, la personne a dit la ilaha illallah et il a rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors à partir de ce moment-là, il est obligatoire pour nous de s'abstenir de quoi que ce soit, de prendre ses biens ou de prendre sa vie. Et on se base sur ce qui est apparent. Et ce qui est à l'intérieur de lui, on le laisse entre lui et Allah. Hein? S'il est sincère dans son cœur, Allah va le récompenser par les paradis, du délice. Et s'il est hypocrite, il va le châtier d'un dur châtiment. Mais en ce qui concerne le comportement ou l'attitude à adopter envers lui dans la dunya, on doit juger selon ce qui est apparent. Ensuite, le cheikh dit « Wa munasabatu al-hadith lil-bab annahu min a'zami ma yubayyin ma'na la ilaha illallah wa annahu al-kufr bi kulli ma yu'badu min dunillah. » Donc, pour quelle raison on a placé ce hadith-là dans ce chapitre? C'est parce que c'est la plus grande chose par laquelle on peut comprendre, on peut clarifier la signification de la ilaha illallah. Ce hadith, il est clair, hein? L'explication de la signification du témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que ça signifie également de rejeter et de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit, ma yustafadu min al-hadith, qu'est-ce qu'on peut extraire ou qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait dans ce hadith? Il dit, ma yustafadu min al-hadith anna ma'na la ilaha illallah هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. C'est-à-dire la signification de la ilaha illallah, c'est de renier ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les idoles et les tombes et autres, parmi les choses que les hommes adorent en dehors d'Allah. Donc tant que quelqu'un n'a pas renié, n'a pas rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être, alors on ne peut pas dire qu'il a compris ou il a appliqué le tawhid. Hein? Puisque la ilaha illallah implique qu'on rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ensuite, le cheikh il dit, le point 2, donc le cheikh il dit que le fait de simplement mentionner avec la bouche, de prononcer seulement la ilaha illallah, hein, tu le prononces seulement, mais sans avoir renié ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors ça ne rend pas le saint et les biens illicites et sacrés. Même si la personne a connu sa signification et même si elle l'a appliqué. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas ajouté à cela le fait de renier ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas réellement compris la ilaha illallah. Ensuite, le cheikh dit comme point numéro 3, أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. Donc le cheikh il dit que celui qui arrive avec le tawhid et qui applique les principes de la charia en apparence, il est obligatoire pour nous de nous retenir, de nous abstenir de faire quoi que ce soit contre lui, jusqu'à ce qu'on ait clarifié de sa part qu'il vient avec quelque chose qui est en opposition avec le tawhid. Donc ça c'est un point important, on se base sur ce qui est apparent de ce que cette personne-là fait. On se base sur les paroles et les actions seulement. Le cœur et les intentions, c'est Allah seul qui le connaît. Donc si c'est un croyant sincère, ce qu'il fait en apparence, c'est en accord avec ce qui est dans son cœur. Mais si c'est un hypocrite, ce qu'il fait en apparence, c'est le contraire de... dans son cœur, il a le contraire. Hein, c'est un hypocrite, donc il cache sa mécréance. Et il montre la croyance en apparence seulement. Mais ça, c'est Allah seul qui le sait. Hein? Et le point numéro 4, وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. C'est-à-dire, le point numéro 4, l'obligation de se retenir ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit contre le kafir du moment qu'il entre dans l'islam. Même si c'est dans l'état ou dans la situation du combat. C'est-à-dire que même s'il y a une guerre entre les musulmans et les koufars et que on est en train de combattre dans le djihad contre eux, et qu'il y a un parmi les soldats des ennemis, parmi les koufars, qui dit « La ilaha illallah », à partir de ce moment-là, il est interdit pour le musulman de le tuer ou de le frapper ou de lui faire un mal quelconque. Il devient musulman à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que on constate de sa part quelque chose qui vient en opposition avec « La ilaha illallah ». Donc ça c'est important de bien le comprendre. Ensuite, le Jaykh, il dit comme point numéro 5, أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. Comme point numéro 5, il y a le point qu'un homme peut dire la ilaha illallah sans avoir rejeté ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et comme point numéro 6, le Jaykh, il dit أن الحكم في الدنيا على الظاهر وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. Donc, le cheikh, il dit que nous, on juge dans cette dunya selon l'apparence, c'est-à-dire selon ce qui est apparent, hein, des paroles et des actions. Mais en ce qui concerne dans l'au-delà, alors ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec les intentions et les objectifs des personnes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il avait dans le cœur. Donc, des fois, on a des gens, parfois, on remarque que certaines personnes... On leur dit quelque chose par rapport à l'islam et ils disent « Ah, mais tu dois pas juger les gens par l'apparence, il faut pas se fier à l'apparence. Hein? » Des fois, on dit « Ah, il faut pas se fier à l'apparence. » C'est vrai que parfois, l'apparence, ça peut être trompeur, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de se baser sur l'apparence seulement. Dans le sens que l'apparence, quand on dit l'apparence, c'est pas seulement l'apparence physique ou l'apparence dans les vêtements. Quand on parle de l'apparence, on parle de ce qui est apparent de la personne, de ce qui sort de cette personne, c'est-à-dire de ses paroles et de ses actions. D'accord? C'est ça aussi l'apparence, c'est pas juste qu'est-ce que la personne montre de son habit, par exemple, quelqu'un qui porte la barbe, ou quelqu'un qui porte le qamis, ou qui s'habille avec les tenues vestimentaires des pays musulmans. Ou bien une femme qui porte le djilbab, ou qui porte le sitar, ou le niqab, ou des vêtements islamiques, hein, dans l'apparence. Ça, c'est l'apparence vestimentaire. Quand on parle de l'apparence, on ne parle pas que de l'apparence vestimentaire. On parle de l'apparence dans tout ce qui est apparent, dans le sens des paroles et des actions. Puisque si c'était seulement l'apparence vestimentaire, c'est certain qu'il y a des gens qui portent des vêtements... Hein, qui n'ont rien à voir avec et dans la réalité ils n'ont rien à voir avec l'islam, parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas l'islam réellement, ou bien qui ont des croyances ou des pratiques qui viennent en opposition avec les fondements de l'islam ou bien avec les principes de l'islam. Et donc, il ne faut pas se laisser tromper par seulement la tenue vestimentaire. Dans ce sens-là, oui, l'apparence peut être trompeuse parfois. Hein? Il y en a qui, par exemple, il y en a qui pensent que le fait de porter le niqab, ça veut dire que automatiquement quelqu'un est sur la sunna, ou quelqu'un est sur la voie des salafs. Non. Il y a des gens de bid'a qui portent le niqab. Il y a des femmes qui portent le sitar ou le niqab, elles font partie des groupes de bid'a. Elles font partie des groupes de takfir. Elles font partie des groupes de hizbiyya, des ikhwan. Elles font partie des gens qui font partie des tablir. Donc il y en a plein parmi les femmes qui sont sur la bid'a et qui portent le niqab ou qui portent le sitar ou qui se voilent le visage et le corps au complet. Ça ne veut pas dire qu'elles sont salafiyya. La même chose pour les hommes. Il y en a plein parmi les gens de bid'a qui vont porter une barbe. Il y en a plein parmi les gens de bid'a qui vont porter un qamis, hein, comme les gens de tablir ou les groupes de soufiyin ou bien d'autres. C'est pas ça qui détermine que quelqu'un est sur la sunna. Et il y a également d'autres personnes qui vont par exemple dire qu'ils sont musulmans, qui font la prière, mais qui ont des croyances qui sont en opposition avec le tawhid, qui sont en opposition avec la ilaha illallah. Donc c'est pas juste parce que tu dis que t'es musulman que ça veut dire nécessairement que t'es musulman. Mais c'est pas en se basant sur des doutes, c'est pas en se basant sur des doutes basés sur des suspicions sans preuves. Non, il faut que ce soit basé sur des preuves qui viennent des choses apparentes de la personne, dans ses paroles et dans ses actions, qui montrent qu'elle vient en opposition avec les fondements de l'islam. Ensuite, il y a le point numéro 7 que le cheikh a mentionné. Hurmatu mali al-muslim wa damihi illa bihaq. C'est-à-dire que le bien des musulmans et le sang des musulmans, il est sacré, excepté pour un droit de, bien entendu, de l'islam. Illa bihaq al-islam, hein, comme la zakat et des choses de ce genre. Ou bien la salat, ou quelqu'un qui commet un péché qui mérite une peine, hein, qui fait en sorte que son sang devient licite, comme par exemple le zina, ou bien quelqu'un qui commet un meurtre. Alors dans ce cas-là, son sang deviendra licite dans le sens que le juge dans un pays musulman, Yanni va juger Yanni selon la charia, et la peine pour le meurtre, c'est bien entendu la peine de mort. Et la peine pour l'adultère dans l'islam, bien entendu, c'est la lapidation, hein? Donc c'est par les droits de l'islam, hein? Ça c'est ça qu'on veut dire par les droits de l'islam. Et donc le sang et les biens des musulmans sont sacrés, protégés, de même que le sang et les biens des mu'ahadoun et des musta'manoun, ceux qui sont des koufars mais qui sont en paix avec les musulmans parce qu'ils ont une entente de paix entre eux et nous. Leur état, leur pays est en paix avec nos pays. Ou bien des koufars qui rentrent dans les pays musulmans avec un visa et donc dans ce cas-là, il est interdit pour les musulmans de leur faire du tort. Hein? Il est interdit pour les musulmans de leur faire du tort quelconque, dans leur bien ou dans leur personne. Et il y a des groupes de bid'a parmi les khawarij à notre époque et parmi les djihadines ou les takfiris qui contredisent ces principes-là et qui attaquent les koufars qui sont en paix contre les musulmans et qui les tuent ou qui font des attentats terroristes contre eux ou des choses de ce genre. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est en opposition avec l'islam et que c'est une forme de trahison contre l'islam et les musulmans. Et il n'y a pas de doute que c'est des actes d'égarement qu'est-ce que ces gens-là font et que c'est contraire à la religion de l'islam. Et pour terminer, le cheikh dit wa ma'na qawl al-musannif wa sharh hadhihi at-tarjuma wa ma ba'daha min al-abwab an ma ya'ti ba'da hadha al-bab min al-abwab fihi ma yubayyin at-tawhid wa yuwaddih ma'na la ilaha illallah wa bayan ashiya' kathira من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع وما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله. Donc le cheikh explique que la signification du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, enfin il dit, et l'explication de ce titre, de ce chapitre, et de ce qui vient après comme chapitre, c'est-à-dire de ce qui va venir comme chapitre par la suite, de la clarification et de l'explication de la signification de la ilaha illallah, ça va suivre dans les autres chapitres qui vont venir par la suite. On va expliquer beaucoup de choses qui ont rapport avec le shirk mineur et le shirk majeur, et des choses qui peuvent amener à ces genres de formes de shirk, comme le fait de tomber dans l'exagération et dans les innovations au sujet des hommes pieux et des choses de ce genre, et également la clarification de ce qui est obligatoire pour nous, qu'est-ce qui est obligatoire pour nous de délaisser parmi les choses qui viennent en opposition avec la ilaha illallah. Donc tout ça, ça va être expliqué dans les chapitres suivants, et c'est pour ça que j'ai voulu compléter donc le chapitre aujourd'hui, pour que au prochain cours, inshallah, on commence avec le chapitre directement, le prochain chapitre, inshallah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Et à samedi prochain, inshallah.